Ne cherchez plus, c'est 90.7. Bonne année tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout s'est bien passé. Faites attention, RIG c'est une radio locale, 90.7. Dehors à Bordeaux, là, épais brouillard, les voitures sont les unes derrière les autres à très petite allure. Je suis parti à 18h30 pour arriver un tout petit peu avant 20h. Heureusement que j'ai pris du temps, ça bouchonne un maximum, mais je suis à l'heure. Et je vous souhaite à nouveau une très joyeuse année en vous disant de faire gaffe. C'est la 319e saga des Fab Four. L'album de la semaine, c'est l'album Electric Arguments de Paul McCartney, sorti en 2008. On écoutera Sing the Changes, on écoutera Two Magpies, Highway, Light from Your Lighthouse, Is This Love et Sun is Shining. Il y aura également du John Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour John Lennon, par exemple, il y aura Blue Suede Shoes en live sur l'album Live Peace in Toronto en 69. Il y aura pour George Harrison, I Live For You. C'est vrai, je vis pour vous. Une chanson qui était extraite des sessions de All Things Must Pass, qui n'avait pas été incluse dans l'album au départ. Et puis finalement, elle y est revenue lors de la remasterisation, et c'est tant mieux, car c'est une excellente chanson. Ensuite, il y aura pour Ringo Starr Sunshine, Life For Me, Sail Away, Raymond. Oui, oui, c'est un seul titre, ça a été coécrit par George Harrison et Ringo Starr, il me semble. Ça date de l'album Ringo, en 1973. Et pour les Beatles, on aura Matchbox, par exemple, chanté par Ringo Starr. Et puis, de la bonne musique jusqu'à 22h, heure à laquelle je céderai ma place à Eric, je pense, pour sa fabuleuse émission Johnny de A à Z. Voilà, pour le reste, vous nous rejoignez sur Facebook, sur le groupe La Saga des Fab Four, c'est facile. Vous demandez à être admis dans le groupe et n'importe qui peut le faire en quelques secondes. Et vous allez dans la petite publication qui est ancrée en haut pour pouvoir parler de l'émission là, maintenant, tout de suite. Pour macaclub.com, salut tout le monde, vous allez dans le rubrique La Saga des Fab Four. Et pour Twitter, vous faites le hashtag Saga Fab Four, hashtag Saga Fab Four. Et puis vous commentez comme vous voulez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le générique en tout cas. Je vous souhaite une excellente soirée. Et on commence tout de suite avec ce fameux Fireman dont tout le monde savait qu'il s'agissait de Paul McCartney. Et ce titre, Sing the Changes sur RIG. retourner dans le temps complètement sur un autre titre totalement différent. Il s'agit de Monsieur John Lennon en 1969. Ladies and gentlemen, the Plastic Ono Band. Oui, John Lennon si vous préférez. Toronto welcomes the Plastic Ono Band. Toronto accueille le Plastic Ono Band. The Plastic Ono Band. Give peace a chance. Give peace a chance. Je suis d'accord avec vous, les concerts de Paul McCartney sont mieux organisés. En tout cas, ils viennent dire, on va vous dire un truc, on n'a encore jamais joué ensemble. C'est la raison aussi pour laquelle c'est un peu bordélique le départ. Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready now, go, get, go, don't. Down, tread on my face, find my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off of them shoes, don't you? Put my boots with you. Well, you can do anything, lay off of them boots with you. Drink my liver from the old fruit jar. Do anything that you want to do. Honey, lay off of them shoes. Don't you? For my persuasion. Well, you can do anything. Lay off of them persuasion. Yes, it's true. it's true. I live for you. For you, c'est vrai qu'il aurait été dommage de se passer de cette belle chanson. Pour la chanson suivante, je vous ai dit en début d'émission qu'elle avait été coécrite avec Ringo Starr. Non, c'était une autre chanson, c'était Photograph qui a été coécrite avec Ringo Starr. Cette chanson-là, la chanson qu'on va entendre, Sunshine Life for Me, Sail Away Raymond, elle a été écrite uniquement par George Harrison et du coup, la voici en 1973. It's a sunshine life for me. If I could get away from this cloud over me, see, just follow me around. It's a sunshine life for me. If I could get away from this cloud over me, see, just follow me around. There's a good life. A tree somewhere out in the cornfield, and it's sunshine. It's sunshine life for me. If I could get away from this cloud over me, seems to just follow me. It's sunshine life for me. If I could get away from this cloud over me, seems to just follow me. It's time. Ce titre était resté dans les tiroirs de George Harrison depuis l'année 1969. Qu'est-ce qu'il a composé cette année-là? C'est impressionnant. Il est temps, si vous le voulez bien, puisqu'on a écouté Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr. Et donc, juste avant... Ah oui, j'aurais dû passer les Beatles. Et eh ben, je l'ai, mais juste après. Donc, nous allons parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles de A à Z, et même en passant par toutes les lettres, si vous voulez, mais surtout toutes les nouvelles, avec les nouvelles des tournées de Paul, de Ringo, les albums qui sortent, les copains autour des Beatles, autour des Fab Four, les animateurs radio comme votre serviteur qui font des émissions pour vous, eh bien vous connaissez les horaires, vous savez les fréquences, vous savez tout, grâce à Lovely Rita et Beatles Magazine, avec des millions de visiteurs tous les jours. Je vous conseille d'aller voir. Il suffit de taper Beatles Magazine UK.com. Voilà. Merci Lovely Rita, merci Beatles Magazine. Voici les Beatles avec Matchbox et encore une fois, Monsieur Ringo Starr. RIG 90.7, la radio des Beatles. Rock'n'roller, Monsieur Ringo Starr, il le prouvera encore plus tard avec, vous savez, les chansons que j'aime beaucoup, là, Eye to Eye, par exemple, ou d'autres comme ça. Il est fort, il est bon. On revient à l'album de la semaine. L'album, c'est Electric Arguments, de Paul McCartney. Voici un nouveau titre, Two Magpies, sur RIG. Two magpies, a girl and a boy, one for sorrow, two for joy. With no salutes, I move away and long to face down fear. Ooh, I saw two magpies. A girl and a boy, one for sorrow, two for joy. Content to cry, no more to lie. I move away and lie in truth. Three for a girl, four for a boy. face down fear, content to cry. No more to lie, no more to lie, and face down. Je m'appelle John, j'écoute la saga des Fab Four depuis 2015, depuis Paris. Dire qu'elle est sortie en 1987 en phase B, alors que la chanson datait de 1981. Elle aurait dû sortir sur l'album Somewhere in England, et les producteurs, ou les je ne sais pas trop qui à l'époque, la maison de disques en fait, a dit non, non, celle-là on n'en veut pas, fais-en des mieux. Quoi des mieux? Elle est très très bien cette chanson. J'aime beaucoup Lay's Head. Et encore une fois, I Live For You est revenu sur un album officiel. Lay's Head est revenu également. Et c'est tant mieux. Merci Georges de nous avoir offert ces belles chansons. Revoici Georges d'ailleurs avec les Beatles sur l'album Hard Day's Night, sorti en 1964. Quelle belle année. Et cette belle chanson, I'm Happy Just To Dance With You. Je suis content juste de danser avec toi. Et quand on est timide... Deep All this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or hold your hand. If it's funny, try and understand. There is really nothing else I'd rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. I don't need to hug or hold you tight. I just wanna dance with you all night. In this world there's nothing I would rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do, 'cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you, oh, is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. I've discovered I'm in love with you, oh, 'cause I'm happy just to dance with you. Oh, oh, oh. Let's go. Say that I've been unhappy with you. But as from today, well, I seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl. Say that I've been unhappy with you. But as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl. Oui, qu'une petite cure de Beatles comme ça, ça fait du bien. Hein, voilà. Another Girl à l'instant et Long Tall Sally juste avant par les Beatles, forcément. On revient à l'album de la semaine. On revient à chaque fois, hein, toutes les cinq chansons. On revient à l'album de la semaine. Et ce titre qu'il a eu la gentillesse de nous pousser également en public, et c'était très très bien, c'était Highway sur l'album Electric Arguments. Paul McCartney sur RIG. Ballet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Harrison arrivait à placer une, deux chansons par album. Et encore, c'était apparemment la plupart du temps quand il proposait une chanson, on lui disait ouais, c'est pas mal. Attends, on va d'abord faire une des nôtres. Voilà. Et puis, ben, il a accumulé de très très belles chansons. Résultat, ben voilà, par exemple Nowhere to Go qui date de début de l'année 70 et qui aurait très bien pu être une très très belle chanson, bien chantée, bien faite en tout cas. Et puis le triple album All Things Must Pass, et ce qui a poussé George Harrison à dire aussi, on peut considérer que lorsque j'étais avec les Beatles, j'étais un peu comme constipé. Et puis lorsque on s'est séparé, ben ça s'est relâché, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Oui, ça c'est beaucoup moins joli et poétique, mais néanmoins, le fait est là, si George Harrison avait pu avoir toute sa place sur les albums des Beatles, eh bien, il fallait qu'il sorte des triples albums ou des doubles albums à chaque fois, parce que lui aussi comptait, il avait fait de gros progrès, et il était largement au niveau de ses compères McCartney et Lennon. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet-là, et puisque j'ai parlé de John Lennon, le voici dans un constat. Well, well, well, tout simplement, sur l'album Plastic Ono Band en 1970. Well, well, well. Oh, well. Well, well. so we could watch the English guy. We both were nervous, feeling dizzy, and neither one of us knew just why. Well, well, well, oh well. Well, well, well, oh well. Well, well, well. qu'il en pouvait plus. Well, well, well, à l'instant, une guitare tendue, presque grunge, se combine à l'une des parties de batterie les plus violentes de la carrière de Ringo. Oui, car Ringo est sur cet album en 1970. Pour accompagner des vignettes illustrant la vie quotidienne de John et Yoko. Ces interludes amoureux sont décrits, ainsi que la tension ressentie par eux lorsqu'ils s'adressent au monde extérieur, le tout menant à des hurlements sauvages. Dans le premier couplet, John trouve sa femme si belle qu'il pourrait la manger. Un progrès par rapport à la première version, « She looked so beautiful, I could we ». Donc elle était si belle que j'aurais pu en mouiller mon pantalon. Ah oui, il a fait des progrès quand même, c'est mieux cette version-là. Quoique, manger une femme, oui, enfin ça se discute. Allez, vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four. Bonsoir tout le monde, c'est Joël, je vous écoute depuis la Belgique. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de la saga des Fab Four. Bisous à tous. 75 ans en 2015, Ringo Starr, et pourtant un excellent album que je vous conseille d'acheter. Là, c'était Bridges à l'instant, extrait de l'album Postcards from Paradise. Et l'album de la semaine, ça reste Electric Arguments de Paul McCartney sur RIG. Et voici un nouveau titre, Light from Your Lighthouse. J'aime bien les deux voix conjuguées de Paul McCartney sur une haute, une basse. Ça donne un effet que j'aime beaucoup. La voici, la chanson. When the sky is filled up with storms and heavy rain, and troubles start sliding across your mind, it's hard for me to see which road I've gotta take. J'adore cette chanson, Light from Your Lighthouse, Monsieur Paul McCartney. C'était son troisième album en tant que fireman, mais le premier dans lequel il avoue être le fireman. Et les deux autres, on l'a su très très vite quand même. Voilà, les autres c'était des instrumentaux, bon, on peut aimer ou pas. Le deuxième, je préfère le deuxième album au premier. Mais bon, c'est un Paul McCartney qui sort des sentiers battus, qui ne cherche qu'à se faire plaisir, c'est ça qui est génial. Il avance en âge, mais ça reste un gamin, et j'aime beaucoup ça. Allez, on est à la chanson, avec un petit peu d'avance, la chanson de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, ou même si eux-mêmes l'ont chanté en tant que Beatles, ou s'ils l'ont repris cette chanson d'un de leurs pères, comme par exemple aujourd'hui, c'est Elvis Presley. Enfin, je passe du Elvis Presley qui s'y colle. Je vous propose la chanson Party de Elvis Presley tirée de l'album. Alors là, attendez, je prends mes notes parce que je ne me rappelais plus de l'album original du film Loving You en 1957. Puis vous aurez la version. La même chanson, chantée par Paul McCartney, sur l'album Run Devil Run, 42 ans plus tard, soit en 1999. Voici les deux chansons, Party sur RIG. Some people like to rock, some people like to roll, but moving and a grooving gonna satisfy my soul. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Send to the store, let's buy some more, let's have a party tonight. Kissed a bear, I've never kissed a goon, but I can shake a chicken in the middle of the room. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Send him to the store. Let's buy some more. Let's have a party tonight. Now Honky Tonky Joe is knocking at the door. Bring him in and fill him up and set him on the floor. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. tempo, mais McCartney va l'élever bien au-delà. Dans le vent et un animateur extraordinaire. C'est la saga des Fab Four, bien sûr, et c'est sur RIG. My mind. reprise, la reprise d'ailleurs, ce n'est pas une chanson originale de George Harrison, qui a remis en selle George Harrison après 5 ans d'absence entre 1982 et 1987, et ce très bon album Cloud 9 sur RIG. Il y a quelques secondes, voilà. On va aller fouiller quelques fois dans des chansons pas forcément moins connues, puisque vous les connaissez toutes, mais je fais exprès quelquefois d'aller chercher des chansons qu'on n'écoute pas trop souvent. En voici une qui a été interprétée par Paul McCartney sur scène, après dans ses tournées en solo, mais que j'aime bien aussi. La chanson, c'est The World, c'est sur l'album Rubber Soul, sorti en 1965, qui est une année sympathique aussi, moins bien que 64, mais sympathique quand même. Plus tard, 43 ans plus tard pour être exact, c'est toujours une préoccupation de Paul McCartney, puisque sur l'album de la semaine, l'album qui s'appelle Electric Arguments, voici la chanson Is This Love? C'est donc toujours question d'amour. rappel des faits, nous sommes en 1974 et Yoko Ono a mis John Lennon à la porte depuis quasiment un an. Absente de sa gestation, Yoko est pourtant bien plus présente sur Walls and Bridges, l'album de 74, que sur n'importe quel autre album que de Lennon auquel elle a participé. Avec son ambiance vaguement orientale, Bless You l'invoque de façon purement émotionnelle. Ballade aussi délicate que les meilleures qu'il ait écrites, elle voit John donner tendrement sa bénédiction à sa partenaire perdue et au nouvel amant qu'elle aura trouvé. En tant que tel, elle forme un contraste saisissant avec toutes ses chansons du type Jealous Guy. Il n'affirme pas cette fois qu'il préférait la voir morte plutôt qu'avec un autre. Et pourtant, s'il a trouvé la force et la maturité d'accepter son indépendance, il n'en perd pas pour autant ses sentiments. Le message final de Bless You est que lui et Yoko restent liés spirituellement. Leur amour transcende leur séparation physique. Ben écoutez, c'est joli, c'est dégoulinant de bonté, mais c'est très très bien. Ça me pose aucun problème. C'est quand elle chante que je n'aime pas. Ou quand elle prétend faire de l'art. Voilà. Dear Prudence sur RG. Les Beatles. Sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the room? remember me, Martha, my love. Don't forget me, Martha, my dear. Par deux fois avec Dear Prudence et Martha My Dear. Martha était peut-être bien le nom du bobtail de Paul, une chienne de 2 ans, mais Martha My Dear n'est pas vraiment une chanson d'amour pour chien. Martha My Dear était une supplication adressée à une jeune fille qui a toujours été la muse du chanteur. Il lui demande de se souvenir de lui parce qu'il croit toujours qu'ils sont faits l'un pour l'autre. En janvier 68, Paul et Jan Asher avaient annoncé qu'ils se marieraient dans l'année. Mais Paul s'est mis à sortir avec d'autres filles, le coquin, pendant que Jane était en tournée. Et elle annonçait en juillet la rupture de leur fiançailles. Nous nous voyons encore et nous nous aimons encore, mais ça ne peut pas marcher, expliqua-t-elle à l'époque. C'est peut-être un amour d'enfance qui nous fera nous retrouver et nous marier quand nous aurons 60 ans. La preuve que non. Martha My Dear fut enregistrée en octobre 68 alors que Paul sortait déjà avec Linda Eastman. Jane fit la connaissance de l'illustrateur Gerald Scarfe au début des années 70 et ils se marièrent en 1981. Donc, tout allait bien. Voici John Lennon. Décidément, c'est beaucoup du John Lennon. Depuis 4 chansons, sauf Martha My Dear, forcément. J'essaie de retomber sur mes pieds avec Mid City sur l'album Mind Games en 73. Ouais! Well, I've been in the city to see for myself. Been in the city, been in the city. Just gotta give me some rock and roll. n'a pas entendu la fin, c'est dommage. Le logiciel vient d'interrompre la chanson. Tant pis. Sinon, il disait « who is that, and why are they doing those crazy things ?» Je crois, un truc comme ça. Faudrait que je réécoute la chanson au casque, pour parce que le son est de plus en plus bas, évidemment. Allez, l'album de la semaine, parce que le temps passe, l'air de rien, c'est toujours l'album Electric Arguments, de Paul McCartney en 2008. Et je vous le propose sur RIG, qui est la radio des Beatles, le mercredi. Et vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, en français dans le texte. Ou presque. Thank you. une petite chanson pour les petits. C'est le kiss. Merci Paul McCartney qui fait toujours l'effort lorsqu'il est dans un pays d'essayer de dire quelques mots dans la langue, quel que soit le pays. Et là, chapeau. Même si c'est toujours les mêmes mots, même si c'est du phonétique, c'est pas grave. Il fait un effort et on apprécie. Voici les Beatles, comme je les aime. 8 Days a Week dans une version différente qui est très très bien. cadeau. How much you got, how much you wanna take. It all depends on what you got. And what's the cost, how much you wanna pay. It all depends on what it costs. If I can be of help in matters such as these, don't hesitate to call. I'd only be too pleased to take a look. saga des Fab Four, c'est de septembre à juin, tous les mercredis, de 20h à 22h. Parlez-en autour de vous, c'est uniquement sur www.rjfm.fr ou pour ceux qui ont la FM autour de Bordeaux, sur 90.7. 2017, quand il reviendra en France, que ce soit en 2017 ou un peu plus tard, on veut absolument qu'il ouvre son concert avec ça. So glad to see you here, my friends. Demandé et je n'ai pas résisté. Paul McCartney en 1971 sur l'album Ram. Vous êtes bien sur RIG, rock and roll jusqu'au bout. Smell your feet. faut s'arrêter. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Je vous remercie d'avoir écouté cette saga des Fab Four qui portait le numéro 319. La 320 est déjà dans la boîte. Ce sera un live à Bordeaux de John, Paul, Ringo et George. Je pense que ce sera pas mal du tout, ça vous plaira sûrement. Ce sera mercredi prochain de 20 à 22. Merci, bisous aux filles, point de main aux garçons. C'était Thierry Gallet pour RG dans la saga des Fab Four. À bientôt, salut, ciao.